Salomón, hola. ni le store, on baptise ni l'agent, on baptise ni ma dent. Ça. Qui laisse ça? Moi pas attendre. Ou même comme ça. Ouvre moi comme ça. Ma ba ou comme ça. La bambilé. La paouézé. La bambilé. La paouézé. La bambilé. La paouézé. La bambilé. La paouézé. Qui laisse ça? Moi pas attendre. Ou même comme ça. Ouvre moi comme ça. Ma ba ou comme ça. La bambilé. La paouézé. La bambilé. La paouézé. La bambilé. La paouézé. La rentrée en Haïti, mais dans la main, rien pas dérangé. La bambilé, la paouézé, la bambilé, la paouézé, la bambilé, la paouézé, la bambilé, la paouézé. Yeah. babouya, babouya, babouya. La bambilée, ma bébé de fer sur la.